Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci encore de votre venue aujourd'hui. Merci beaucoup à nous inviter d'avoir accepté de participer à cette séance qui poursuit le rythme, je dirais, d'un atelier, puisqu'on est vraiment dans le cadre de ce séminaire sur un fonctionnement qui est finalement très proche d'un groupe de travail, d'un groupe de recherche. Il ne s'agit pas d'exposer des travaux finis. Je préfère le rappeler encore aujourd'hui, c'est vraiment des travaux en cours et des recherches justement communes que nous tissons ensemble ici. Donc la séance aujourd'hui va être consacrée, comme vous le savez, à la place et aux usages et fonctions de la vidéo dans les enseignements supérieurs et artistiques. Nous souhaitions essayer de comprendre à travers deux exemples singuliers que sont le Centre universitaire expérimental de Vincennes et l'École nationale supérieure des beaux-arts, essayer de comprendre comment des institutions telles que des universités, en particulier dans des départements enseignant la pratique cinématographique, et des écoles d'art, ont intégré ou non, comment, dans quelle mesure, à quelle vitesse, sous quelle modalité, la vidéo. Pourquoi avons-nous choisi ces deux exemples ? Évidemment, il s'agit là de deux lieux d'enseignement pratique, artistique, hautement symbolique, pour leur dimension politique en particulier. C'est évidemment au Beaux-Arts qu'est organisé l'atelier populaire où sont élaborées quelques 500 affiches sérigraphiées en mai 68. Et l'université de Vincennes, elle, ouvre ses portes en janvier 1969 et elle est considérée par l'extrême gauche comme une base rouge en quelque sorte. Elle est le théâtre de nombreux affrontements, mais aussi, et c'est ce qui va nous intéresser ici tout particulièrement, d'une intense création intellectuelle, pédagogique et artistique. Pour rappel, alors qu'elle est reconnue comme une université de premier plan et à une échelle internationale, elle va être en butte à l'hostilité du gouvernement et finalement, elle sera déménagée à Saint-Denis en 1980. Dans le cadre de cette séance, nous travaillerons vraiment essentiellement sur la période de Vincennes. Alors, avant de donner la parole à mes invités, je préciserai qu'il ne sera pas question ici de l'usage de la vidéo au service de la recherche, comme un certain nombre de chercheurs, chercheuses ont pu l'utiliser. Je pense en particulier à une sociologue comme Monique Eco qui a véritablement utilisé la vidéo comme outil au service donc, de son travail de terrain. Là, ce n'est pas ce dont il s'agira ici. Nous allons plutôt nous pencher sur la manière dont la vidéo a pu être utilisée pour garder des traces d'événements artistiques, intellectuels, sociaux, au sein des lieux que nous allons évoquer, et comment elle a progressivement été investie de projets de formation, d'expression et de création. Dans le résumé que vous avez déjà eu, vous voyez que l'on souhaite mettre l'accent cette fois-ci sur, je dirais, les bricolages. Le mot est venu notamment dans des conversations avec Mathilde Ferrer, les bricolages un peu dont la vidéo légère a pu faire l'objet à l'intérieur de l'institution et aussi en dehors. Avec les deux exemples que nous les allons étudier aujourd'hui, on va voir qu'il y a des personnes, en l'occurrence nos témoins, qui vont être souvent un pied dans l'institution et aussi un pied à l'extérieur. Donc finalement, on va aborder aujourd'hui diverses approches à travers donc, ces exemples, des pratiques, nous verrons, qui seront liées au début à des expériences finalement très proches de la télévision scolaire. Les tout débuts de la vidéo, on va le voir à l'université, c'est finalement dans cette lignée-là qu'elle se situe. Mais cela va aussi cohabiter avec des pratiques militantes proches de groupes vidéo. Jean-Paul Fargier, par exemple, au même moment où il enseigne la vidéo à l'université de Vincennes, est évidemment animateur, entre guillemets, du groupe des Sans-Fleurs, groupe vidéo Les Sans-Fleurs avec Daniel Yegui. Et puis, cela cohabitera aussi avec des pratiques liées à l'enseignement du cinéma en lui-même, avec des réalisations vidéo, aussi bien des reportages que des fictions. L'arrivée de la vidéo à l'université, elle s'initie avant tout justement à l'université de Vincennes et également en parallèle à l'UP6, l'unité pédagogique 6 qui était celle de l'enseignement de l'architecture à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Un nom se dégage dans ces expériences, malheureusement nous n'avons pas pour l'instant réussi à le retrouver, c'est celui d'Alain Jacquier, qui est connu pour avoir installé le matériel à UP6. On pouvait lire dans Vidéo Info qu'il était le propagandiste inlassable et le chef d'orchestre invisible de l'implantation et de l'utilisation de la vidéo en France. Depuis 1968, dans ce domaine, peut-on lire toujours dans Vidéo Info, pas de coup dans lequel il n'est trempé, ni d'opération sérieuse à laquelle il n'aurait pris part ou apposé sa griffe. Alain Jacquier est une des personnes que l'on recherche encore actuellement, donc je lance ouvertement cet appel ce soir. J'ai laissé quelques messages sur des messageries donc d'Alain Jacquier, mais plusieurs Alain Jacquier, qui ne m'ont pas rappelé, donc j'imagine que ça n'était pas les bons numéros. Donc, je vais commencer par donner la parole à celui que Jean-Henri Roger appelait le sous-marinier, Patrice Bénard. Sous-marinier, sous-marinier pourquoi ? Parce que tu étais, semble-t-il, au deuxième sous-sol à l'université de Vincennes avec tes machines. Alors, raconte-nous un peu ton parcours, comment tu arrives à l'université de Vincennes.